fenêtre, le poison pénètre tout ton être, fait naître en toi euphorie ou désarroi. Pire, fais de toi un traître, et cela à chaque verre que tu bois. Tu dois entendre ces cris appris par l'ennui. Tu pries, mais ton esprit est un éternel ciel gris. Dans ta tête, l'alcool sévit. Il a tué ma mère, et de leçon, cela m'a servi. La boisson du diable aujourd'hui t'a servi. Dans ses griffes, il t'a pris. T'as vu tes proches en finir ainsi. Tu réitères le même chemin, comme quoi t'as rien compris. Tu déçois ta famille et tes amis aussi. Tu t'approches de l'enfer, croyant atteindre le paradis. Ton visage dans le miroir te dévisage. Il t'en veut car les cernes t'ont marqué avant l'âge, évaporant ton courage. La mort patiemment t'a frayé un passage. La mort patiemment t'a frayé un passage. La rudesse de la vie, trop souvent me cogne. Le temps et ses épreuves m'ont rendu ivrogne. Je suis trop faible, c'est à elle que je me confie. Aujourd'hui bouteille, c'est toi ma seule amie. La rudesse de la vie, trop souvent me cogne. Le temps et ses épreuves m'ont rendu ivrogne. Je suis trop faible, c'est à elle que je me confie. Aujourd'hui bouteille, c'est toi ma seule amie. Depuis qu'elle t'a quitté, la vie que tu mènes s'est assombrie. Sans bruit seul tu t'ennuies, alors t'enivres ce cœur brisé, ce cœur frustré pour oublier. Mais rien n'y fait tant qu'il, jusqu'au jour où strike, tu tomberas comme un jeu qui, au jour d'aujourd'hui t'encaisse. Avec un sentiment d'être à la casse, survie avec un plan fait, c'est la peur qui est dans une fosse. Chaque verre versé te replonge dans tes pensées, les plus lugubres à te casser. Mais c'est toi, défoncé, qui t'effondre dans l'escalier, te relevant à peine quand il faut même aller taffer. Je compatis, mais faut que tu freines. Malheureusement, tu n'es pas seul dans ce cas-là. Certains iront, ne le savent pas, mais ce poison ronge l'estomac. Laisse tomber, mon gars, avant que sonne le glas. Laisse béton ce poisson qui te cache l'horizon. La rudesse de la vie, trop souvent me cogne. Le temps et ses épreuves m'ont rendu ivrogne. J'suis trop faible, donc c'est à elle que je me confie. Aujourd'hui bouteille, c'est toi ma seule amie. La rudesse de la vie, trop souvent me cogne. Le temps et ses épreuves m'ont rendu ivrogne. J'suis trop faible, donc c'est à elle que je me confie. Aujourd'hui bouteille, c'est toi ma seule amie. T'intéresses plus personne, à présent tu es seul. Attendant patiemment, ton foie pète à la gueule. Tiens tes vides, car maintenant ils ont honte. Tu t'en tapes pour toi, y'a plus que les grammes qui comptent. Te voilà pris dans ce cataclysme, tu découvres les méfaits et les ravages de l'alcoolisme. Ta vie est rude, donc tu t'es rendu lâche. T'infligeant à toi-même de mortel coup de hache. Ce que je dis, ne fais pas de moi un moraliste. C'est juste un lourd constat qui tous les jours m'attriste. Je suis comme tout le monde, car tu sais, j'aime bien boire, mais cela sans déboire, sans m'enfermer dans le noir. Je kiffe l'ivresse avec modération, mais ce poison m'imposera pas la soumission. La rudesse de la vie, trop souvent me cogne. Le temps et ses épreuves m'ont rendu ivrogne. Je suis trop faible, donc c'est à elle que je me confie. Aujourd'hui bouteille, c'est toi ma seule amie. La rudesse de la vie, trop souvent me cogne. Le temps et ses épreuves m'ont rendu ivrogne. Je suis trop faible, donc c'est à elle que je me confie. Aujourd'hui bouteille, c'est toi ma seule amie. La rudesse de la vie, trop souvent me cogne. Le temps et ses épreuves m'ont rendu ivrogne. Je suis trop faible, donc c'est à elle que je me confie. Aujourd'hui bouteille, c'est toi ma seule amie.